Exercice 6, page 160. A. J'ai de petits yeux. B. J'ai de grandes oreilles. C. J'ai de larges épaules. D. Vous avez les jambes fines. E. Vous avez les genoux fragiles. F. Vous avez les joues roses.